bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Écho. Et c'est l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2026 en espérant que vous allez pouvoir réaliser tous vos projets personnels et professionnels. Alors on se retrouve maintenant pour un nouveau numéro de l'Instant Économie dans quelques instants avec un numéro très très spécifique. Et oui, pour ce nouveau numéro de l'Instant Écho, donc 2026, pas d'invité, mais c'est l'occasion de retrouver mes chroniques économiques et conseils pratiques. Et oui, j'officie chaque vendredi dans la matinale de Radio Fadjet. Vous pouvez donc me retrouver avec toute l'équipe du vendredi de 7h à donc 8h30 avec Davy, qui officie donc en tant qu'animateur, et Isabelle et Swan. Donc c'est l'occasion donc de retrouver quelques-unes de mes chroniques économiques. Et on va commencer tout de suite par des chroniques économiques, on va dire, positives. Voici donc ce nouveau numéro de l'Instant Écho. Alors, première info, à Paris, le mythique vidéoclub JM Vidéo, l'un des derniers en activité dans la capitale, a annoncé qu'il était sauvé face aux loyers parisiens élevés et à la montée des plateformes de streaming. Après plusieurs mois en difficulté financière, mais la boutique vient de récolter, avec des dons en ligne, près de 42 000 euros. Alors pourquoi ce sauvetage a-t-il mobilisé autant de solidarité ? Eh bien d'abord parce que JM Vidéo n'est pas un vidéoclub comme les autres, c'est un lieu emblématique pour les cinéphiles avec près de 50 000 DVD et surtout un lieu mythique qui est visité par les stars du cinéma mondial. Et au-delà de ce symbole, ce succès témoigne d'un phénomène économique intéressant, le recours à la solidarité collective via les cagnottes en ligne pour soutenir les petites structures, souvent fragiles mais riches de notre patrimoine culturel. Et avec cette mobilisation et le regain d'affluence que connaît le lieu depuis que cette cagnotte en ligne a été lancée, eh bien cela montre bien qu'il existe, face à un marché qui est écrasé par le numérique, eh bien des niches avec des services que le streaming ne peut pas rendre, des conseils personnalisés, de la rareté, notamment au niveau des DVD. Et aujourd'hui, au niveau national, eh bien, il reste à peu près une dizaine de vidéoclubs. Ah, quand même. Dans toute la France. Et je pensais qu'il n'y en avait plus du tout, moi. Donc. Moi, j'aimais bien le vidéoclub. Il y en existe. Alors, il y en avait 5000 à la fin des années 90, à l'époque où le DVD se généralisait. Alors, dans la métropole de Nancy, je crois qu'il n'existe plus. Il y avait eu un projet l'année dernière qui avait été lancé, mais qui n'a pas donné suite. C'est dommage. C'est dommage. Moi, j'aimais beaucoup les voilà, quoi. C'était un peu gris et tout, t'allais te chercher un petit DVD. Un petit DVD, c'est vrai que c'est... Mais à l'heure où le 33 tours revient à la mode, c'est la nostalgie, peut-être qu'on va... Vidéoclub, c'était bien, quoi. Il faisait gris, samedi soir, t'allais t'acheter une pizza, tu passais au vidéoclub, tac, passais une bonne soirée, le lundi, tu ramenais ton truc en allant bosser. Ouais, c'était bien. Moi, j'aimais bien. Nostalgie. Ouais. Bah ouais, mais vous n'avez pas connu ça, vous les jeunes. Moi, je me pose une question. À un moment donné, dans un vidéoclub, il y avait les films qui sortaient au cinéma, qui sortaient en DVD, et puis des films qui sortaient uniquement en DVD. Direct vidéo. Voilà. Est-ce que aujourd'hui il y a toujours ces films exclus uniquement en DVD ? Bon, j'ai un petit doute. Demande à Steven Seagal. Ou à Jean-Claude Van Damme. Parce que c'est plus sur les plateformes de streaming. Ouais, maintenant ça sort directement sur les plateformes de streaming. Oui, c'est ça. C'est pas faux. Ouais. Ou sur Netflix. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, donc n'hésitez pas, si autour de chez vous, vous avez encore un vidéoclub, d'aller le soutenir. Alors, deuxième info, si vous projetez d'acheter un lave-vaisselle prochainement, attendez quelques semaines, parce que vous allez retrouver un lave-vaisselle français avec un indice de réparabilité de 10 sur 10, et il s'appelle Albert, qui a été donc imaginé et développé en France par la start-up Ever Ever. Il se distingue justement par son positionnement, durabilité, réparabilité, production locale, puisqu'il sera assemblé en Bretagne, dans le Morbihan. L'appareil va utiliser 80% de pièces fabriquées en France. Donc, un appareil conçu pour être démontable et réparable simplement sans technicien avec un simple tour de vis ou une clé Allen. Ah oui. Capacité 14 couverts, donc suffisant pour une famille standard. Durée de vie visée plus de 20 ans. Avec le lave-vaisselle dure en moyenne 7 à 10 ans avec une garantie commerciale de 8 ans. Contre 2 ans pour les appareils traditionnels, et avec un impact environnemental réduit selon le constructeur. L'empreinte carbone d'Almer est réduite de 45% par rapport à un modèle standard. Alors le prix est un peu plus élevé que la moyenne, hein. La moyenne c'est 500 euros, là il faut compter entre 800 et 850 euros lors de sa commercialisation début 2026. Ouais, ça fait quand même cher le lave-vaisselle. Mais si tu le gardes 20 ans, tu vois, t'éviteras deux fois 500 euros. Oui, c'est pas faux. Et l'ambition donc d'Ever Ever, donc, c'est dépasse le simple appareil d'électroménager. C'est un pari pour relocaliser la production en France, relancer des savoir-faire industriels. Et côté marché, eh bien, le succès est déjà palpable puisqu'il y a quand même pas mal de précommandes. Plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires ont été commandés, notamment de la part d'un distributeur. Je vais le citer parce qu'il faut quand même le signaler. C'est Boulanger qui est donc précommandé pas mal de ces exemplaires, donc commercialisé début 2026. Voilà une belle initiative que je voulais mentionner ce matin. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie, moi je pense que c'est quand mon appareil électroménager tombera en panne. T'achèteras Albert. J'achèterai Albert. En plus, il va faire des façades de toutes les couleurs qu'on peut ensuite customiser. C'est donc sympa. Customiser. Ah. Voilà, soutenons la production française. Voilà, la vaisselle tuning. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. Voilà, après c'est donc cette chronique économique positive, eh bien c'est l'occasion de revenir sur les grands succès de l'année donc 2026 et au cinéma, eh bien succès de Zootopie 2 qui termine en tête du box-office donc en France et puis dans le monde il a également connu un très très grand succès. Eh bien on va tout de suite retrouver Shakira puisque c'est elle qui officie donc pour la bande-annonce de ce film Zootopie qui termine à la numéro 1 du box-office France cinéma. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life is sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heat of time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn the floor into a zoo. I'll take you higher, and we can be tamed, baby. wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Eh bien, après Shakira et la bande originale du film Zootopie 2 qui termine à la tête du box-office en France, on retrouve un autre extrait de mes chroniques économiques, puisque vous savez que vous pouvez me retrouver eh bien, tous les vendredis dans la matinale de Davy à partir de 7h jusqu'à 8h30 en compagnie d'Isabelle et de Swan. L'actu éco, Jérôme. Alors, vous avez certainement entendu parler cette semaine du rapprochement entre Auchan et Intermarché. Je dirais même un mariage presque forcé entre Auchan et Intermarché, puisque Auchan a annoncé qu'il souhaitait confier ses 300 supermarchés français au groupement Mousquetaire, autrement dit, des magasins qui deviendraient des Intermarchés ou des Netto d'ici fin 2026. Alors, techniquement, donc, les murs, le foncier et les salariés resteraient propriétaires de la propriété d'Auchan. Ce qui change, c'est l'ancienne, la politique commerciale et la livraison, donc des marchandises qui seraient désormais assurées par Intermarché. Alors, selon les dirigeants, c'est gagnant-gagnant. Auchan se délaisse d'un format en difficulté et Intermarché renforce massivement son réseau. Alors, pourquoi ce rapprochement? Eh bien, en fait, Auchan est en difficulté depuis donc quelques années avec au premier semestre des pertes d'exploitation. Et face à ces difficultés, Auchan veut se recentrer sur ses hypermarchés, plus précisément pour les sauver. Car le secteur de la grande distribution est très très concurrentiel entre hypermarchés, supermarchés, hard discount, drive et e-commerce. Alors pour situer le contexte en France, la grande distribution, alors je voudrais vous poser la question, est dominée par quelle? On l'a déjà évoqué il y a quelques mois, mais bon, on va voir si vous vous souvenez quels sont allez, le top 5 des grands distributeurs. L'enseigne bleue. Leclerc. C'est donc, voilà, c'est Leclerc avec, vous avez à peu près la part de marché. 47%. Non, quand même pas 47%. Ça, c'est pour le drive, t'as raison. 30. Mais pour la, c'est 24%. Hein. Suivi ensuite en deuxième position par Carrefour, hein, qui est à peu près à 21%. Le groupe, donc les Mousquetaires, justement, arrive avec 17% en troisième position. Mm-hmm. Système U, 12%. Et enfin, donc Auchan. Avec 9%. Et donc, on voit bien que, en reprenant les 300, donc, hypermarchés, eh bien, donc, les Mousquetaires avec 17% vont se rapprocher du deuxième, oui, qui va se rapprocher, donc, de, donc, Carrefour. Mais attention, ce mariage express entre les deux mastodontes ne se fera pas du jour au lendemain, puisque la France, donc, il y a une autorité qu'on appelle l'autorité de la concurrence, hein, qui doit donner son accord. Deuxième information que... Je tiens à préciser qu'en Lorraine, il n'y aura pas de changement. Pas de changement, ben déjà ça, sera, Nancy, ça restera toujours à Nancy, ce sont des hypermarchés, ce n'est pas des supermarchés. Donc on ne sera pas impacté. Voilà. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. L'actu éco, Jérôme. Eh bien, on va continuer les informations positives. Allez. Alors, est-ce que vous avez une vieille voiture là qui dort dans votre garage, vous n'utilisez pas? Non. Eh bien, écoutez, faut, bon, je sais que c'est pas le cas de Swan, mais bon. Oui, mais je pense que tu vas nous parler d'une Aston Martin. Non. Non, non. Ah ouais. Non, non, focus sur un paradoxe souvent méconnu, alors que des millions de véhicules restent immobilisés en France, des milliers de personnes peinent à se déplacer, faute d'accès à une voiture. Entre stock de voitures inutilisées et solidarité, il y a peut-être une solution, c'est ce que propose l'association ROL, R-O-O-L. Alors, plus de 10 millions de véhicules en France restent inutilisés, garés dans la rue, des jardins, des garages privés ou des parkings d'entreprises. Combien tu dis ? 10 millions. Statistiquement parlant. C'est énorme. Il y a un stock, oui. Souvent pendant des mois, voire des années. Et pendant ce temps-là, il y a presque 13,3 millions de Français qui se trouvent en précarité mobilité, c'est-à-dire qui ont des difficultés à se déplacer, ce qui peut compliquer l'accès à l'emploi, à la formation ou aux soins. Et pour répondre à ce décalage, ROL, en partenariat avec un réseau associatif de garages solidaires, a lancé en 2022 la plateforme Donnez votre voiture. Elle permet aux particuliers ou aux entreprises de céder gratuitement leurs véhicules inutilisés. Ces véhicules sont ensuite contrôlés, remis en état si besoin, avant d'être remis à disposition des personnes en situation de précarité mobilité, soit en location à bas coût, soit parfois c'était gratuitement. Alors pour les donneurs, l'opération peut être intéressante puisque un particulier bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% et une société de 60% en fonction de la valeur du véhicule cédé. Alors ce dispositif présente toutefois des limites, hein, même si 10 millions de véhicules sont recensés comme inutilisés, tout ne peut pas être mis en circulation, certains véhicules sont peut-être trop anciens, trop dégradés, non conformes aux normes ou nécessitant des réparations coûteuses. Et puis ce dispositif dépend bien sûr de la volonté des propriétaires de donner leur véhicule, ce qui n'est pas toujours évident. Beaucoup d'abord ignorent l'existence de cette plateforme, d'où l'intérêt de cette chronique, ou n'ont pas de réel intérêt parce qu'il y a un attachement sentimental, une anticipation éventuellement d'un futur usage. Alors au niveau de la métropole de Nancy, sachez que vous pouvez trouver un garage solidaire qui participe à cette action. C'est le garage solidaire de Lorraine à Maxéville, 33 avenue de la Meurthe, qui propose entretien, réparation, location et achat de véhicules à tarif préférentiel pour les personnes favorisées. Voilà, donc je trouvais que c'est une bonne initiative. Donc vous pouvez vous connecter sur donc donner votre voiture, c'est un site internet, et donc vous allez donc ainsi pouvoir contribuer à favoriser l'accès à des moyens de locomotion à des personnes en difficulté. C'est bien. C'est pas mal comme initiative. Ouais, oui, c'est pas mal. Non, je te parlais d'Aston Martin parce qu'il y a un mec en Angleterre qui a laissé dormir son Aston Martin pendant des trucs. Et finalement, il y a un type qui lui a proposé de la restaurer. Et maintenant, elle vaut, enfin, il a dû l'acheter, je sais plus, quelque chose comme 1000 ou 2000 euros à l'époque. Mm-hmm. Et maintenant, elle vaut 1 million, quoi. Ah oui, d'accord. On est sur l'Aston Martin de James Bond, hein. La 53 et tout. Et voilà, la réhabilitation de cette voiture a coûté un bras. Donc, ça se trouve, en plus, vous avez des chefs-d'œuvre, vous ne le savez pas. Ne laissez pas dormir chez vous des voitures inutilisées. Ouais. Faites un acte positif en cette fin d'année. Fadjet, un espace original d'expression et de dialogue. Fadjet, c'est plus qu'une radio. On va continuer donc à maintenant évoquer les grands succès de l'année 2025. Après le cinéma et Zootopie 2, eh bien évoquons maintenant les grands succès au niveau donc vente donc de disques, d'albums et CD. Eh bien en tête en 2025, c'est bien sûr Gims. On retrouve tout de suite un de ces grands succès de l'année 2025. Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça, t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douanière, rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard et trier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, amale, amale. Anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani nina oh, anina nani n www.fadjet.net, le site web de la radio. L'actu écho, Jérôme. Et oui, cette semaine, si vous envisagez dans quelques jours d'acheter une voiture électrique, ben, il serait peut-être utile de reporter de quelques semaines votre achat, parce que le gouvernement a annoncé donc cette semaine qu'en partir de 2026, le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique sera revalorisé à 5 700 euros pour les ménages les plus modestes au lieu de 4 200, et le super bonus additionnel pour les véhicules dont la batterie est fabriquée en Europe pourrait lui atteindre 1 200 à 2 000 euros au lieu de 1 000 euros. D'accord. Donc l'objectif, rendre donc l'électrique plus attractif, encourager les ménages, particulièrement les plus modestes, à passer le cap en soutenant en même temps l'industrie européenne et française. Alors le cadre du bonus écologique reste le même qu'en 2025, hein, avec notamment un plafond de prix, hein, le véhicule doit coûter moins de 47 000 euros, et la mesure est ciblée, le bonus maximum s'adresse aux véhicules produits en Europe, voire en France, et équipés de batteries européennes. Mais petite info, j'ai découvert en fait que finalement c'est un peu surprenant, alors qu'on nous dit que le gouvernement n'a plus d'argent d'accroître ce bonus. Et bien en fait, le gouvernement ne participe plus directement au versement de ces primes, puisque ces primes sont accordées aux clients, et bien ils découlent directement des CEE. Est-ce que vous connaissez les CEE ? CEE. Oui, c'est les, alors c'est les certificats d'économie d'énergie. Ce sont des contrats d'énergie payés par ce qu'on appelle les obligés, c'est-à-dire les grandes entreprises du secteur de l'énergie qui doivent payer dans un pot commun sur le principe pollueur-payeur. D'accord. Donc cette cagnotte qui est alimentée par ces pollueurs sert ensuite à divers projets pour l'habitat, par exemple, mais aussi pour le transport. Ces sommes sont versées par les pollueurs, mais si vous avez écouté les informations, vous avez appris que le prix de l'essence va augmenter de quelques centimes début janvier. Pourquoi ? Ben parce que c'est la répercussion par les pollueurs, justement, de ces certificats d'économie d'énergie qui, effectivement, pèsent de plus en plus sur ces pollueurs. Conséquence, finalement, c'est nous. Qui finançons indirectement cette nouvelle prime à l'achat automobile, qui devient quand même assez importante, hein, puisque il y a la Renault, par exemple, Twingo, qui va être bientôt lancée, grâce à la prime de 5 700 euros, eh bien, elle pourrait s'afficher à partir de 14 000 euros. Mmh. Il commence à venir intéressant. Mmh. C'est sûr. Alors, pour dire que aussi la prime, c'est EE, enfin... Les certificats. Oui, ouais, tout à fait. C'est aussi sur l'électricité aussi, faut pas l'oublier. Et là, j'ai vu passer sur une chaîne d'information... Que les prix pourraient baisser. Que le prix d'électricité pourrait baisser. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Il n'y a pas eu de confirmation. Hein. Donc voilà, d'un côté on dit qu'on monte, et de l'autre côté on dit qu'on baisse. Voilà. Et puis j'ai une dernière info, alors, concernant justement tout ce qui concerne effectivement les voitures électriques. Je voudrais un coup de projecteur sur une start-up que j'ai découvert cette semaine, c'est Far A Day, qui propose une batterie de secours pour les voitures électriques. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage. Non. En fait, c'est une petite remorque qui pourrait donc s'accrocher à l'arrière de sa voiture électrique, notamment les voitures électriques qui ont peu d'autonomie. Si vous voulez faire, par exemple, un Paris-Marseille, il faudrait, d'après cette société, s'arrêter 6 fois avec une petite voiture type 208. Hein. Oui, donc, ça serait extrêmement long. Hein. Eh bien, la solution, c'est vous allez donc pouvoir louer une petite remorque que vous allez brancher sur votre voiture, et ça va vous permettre de recharger votre batterie et de faire 300 km de plus. Ah ouais, pas mal. Ça pourrait être intéressant. Et donc, ça va être lancé, ça va être expérimenté sur le Paris-Bordeaux début 2026. Et je trouve que c'est une bonne alternative pour ceux qui ont une voiture électrique qui a peu d'autonomie, mais aussi pour les anciennes voitures électriques, les Zoé par exemple, qui sont sorties il y a 4 ans et qui ont vu la puissance de leur batterie, bien sûr, bien faible par rapport aux modèles qui sortent aujourd'hui. Ça peut être une alternative. Encore faut-il que la voiture soit compatible pour une attache remorque derrière. Alors, je pense qu'il faudrait faire des petits travaux pour pouvoir connecter la remorque. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Voilà, ainsi se termine cette émission de l'Instant Écho. Si vous avez pris l'émission en cours, ben vous pouvez nous retrouver en replay tout au long de ce mois. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de cet Instant Écho avec un invité local, puisque je vous rappelle que l'objectif de l'Instant Écho, c'est de donner la parole aux acteurs locaux. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instant Écho. Et n'oubliez pas de rester fidèles d'ici là à Radio Fadjet.